Pour moi, reprit l'interrupteur, je n'ai à me plaindre que de moi-même. Le bonheur est venu habiter chez moi et je ne l'ai pas reconnu. La destinée m'avait, en ces derniers temps, octroyé la jouissance d'une femme qui était bien la plus douce, la plus soumise et la plus dévouée des créatures, et toujours prête, et sans enthousiasme. Je le veux bien, puisque cela vous est agréable. C'était sa réponse ordinaire. Vous donneriez la bastonnade à ce mur ou à ce canapé, que vous en tireriez plus de soupirs que n'en tiraient, du sein de ma maîtresse, les élans de l'amour le plus forcené. Après un an de vie commune, elle m'avoua qu'elle n'avait jamais connu le plaisir. Je me dégoûtai de ce duel inégal, et cette fille incomparable se maria. J'eus plus tard la fantaisie de la revoir, et elle me dit, en me montrant si beaux enfants, « Eh bien, mon cher ami, l'épouse est encore aussi vierge que l'était votre maîtresse. Rien n'était changé dans cette personne. Quelquefois, je la regrette. J'aurais dû l'épouser. »